On peut-tu rien qu'en discuter? Ta femme est enceinte de 9 mois. Elle accouche dans une semaine. Un gars rentre chez vous, tape sur son ventre à coups de batte de baseball, tue l'enfant, ça ne sera pas considéré comme un meurtre parce que l'enfant n'a aucune reconnaissance légale. Aux yeux de la loi, il n'existe pas. C'est un amas de cellules. Ça a-tu de l'allure, ça? Ça n'a pas d'allure. On peut-tu rien qu'en discuter? Il y a des gens dans certaines communautés qui font des tests quand ils savent que la fille est enceinte d'une fille. Exact. Ils vont l'avorter. Et là, les féministes, ils n'en parlent pas. Ah non, ils sont fourrés. On mène la guerre aux filles. On dit, on va tuer ton fœtus parce qu'il est de sexe féminin. Moi, je m'attendrais de la part des féministes grimper au rideau en disant, c'est écœurant, c'est exact. Une guerre faite aux femmes. On nous tue à cause de notre sexe. Non, les féministes font semblant que ce débat-là n'existe pas. Ils ne veulent pas en parler parce qu'on parle qu'on recriminalise l'avortement. À un moment donné, on peut-tu parler de ça? Et on peut-tu parler aussi du ratio d'interruption volontaire de grossesse en 84, vois-tu, c'était à 18,3 avortements pour 100 naissances. Puis, ça a monté en 2005 à 36. En 2004, c'était rendu à 39. Le double. Oui. 39 avortements pour 100 naissances. Moi, je posais la question aussi. Est-ce qu'on peut penser qu'au Québec, on pourrait avoir une meilleure éducation sexuelle? Les petits gars mettent la capote une ou deux fois, puis après, ils en mettent plus. Puis la fille, la pelule, elle trouve ça trop compliqué. Y a-tu moyen, à un moment donné, de penser que la contraception... Non, t'as pas le droit de dire ça. T'es un gars d'extrême droite, mon gars, de dire ça. Ça n'a pas d'allure de dire ça. Alors, regarde, par exemple, on paye les avortements. Une fille, mettons, si elle était rendue à son troisième avortement, son quatrième, mais oui. On peut-tu se poser la question en disant que cette fille-là, c'est un problème? Hey. Que l'avortement, c'est pas un moyen de contraception? Ben, Richard, j'ai posé la question à la dame. Exactement ça. Je dis, vous n'avez rencontré des femmes après 4, 5, 6 avortements. Est-ce que vous parlez à ces femmes-là? Elle a dit, mon cher monsieur, les femmes là sont très fertiles, vous savez. Puis ça arrive, là, que ça arrive. Tu comprends-tu? Il y a pas moyen... Qu'elle questionne la femme. Ils ne veulent rien savoir. Les autres, c'est clos, c'est fermé. Exact. C'est clos. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas en discuter. Et écoute, puis par exemple, entre autres, une fille est enceinte. Est-ce qu'on lui donne les deux choix, c'est-à-dire les deux alternatives? Une première alternative, regarde, on va aller te faire avorter, ma belle chouette, puis il n'y a aucun problème, puis faites-en pas, on va prendre soin de toi, puis c'est correct qu'on dise ça. On peut-tu lui dire aussi, écoute, on va t'aider, tu peux peut-être avoir cet enfant-là, puis on va le donner en adoption, on va t'accompagner là-dedans. Est-ce qu'on donne les deux alternatives? Là, c'est pas prouvé, je suis pas religieux, je suis pas un super catho, moi, là. On peut-tu rien qu'avoir cette conversation-là? Moi, je trouve une société qui est une société... saine d'esprit, c'est une société qui discute. Or, tu ne peux plus discuter d'avortement au Canada. C'est impossible. Et là, on est rendu à ériger une statue. C'est un dieu, c'est un saint. Je comprends qu'il a fait avancer le droit des femmes, mais il y a une atmosphère de déification ce matin, moi, qui me pue au nez. L'unanimité, j'aime pas ça. En entrevue au Franc-Tireur, je participe à baisser le taux de criminalité. Ben oui. Je dis pardon. Il dit oui, parce que les enfants qui ne sont pas désirés ne sont pas aimés par leurs parents et deviennent délinquants. Attends une minute, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu peux le donner en adoption, ton enfant. Plus tu as d'avortement dans une société, moins tu as de taux de criminalité. Voyons donc, ça ne tient pas de bout. Ça tient pas en route. Le prof Mayou aurait dit ça, là. Tout le monde serait grimpé aux barricades, puis il aurait fallu. Le collège de médecins aurait été à ses trousses. Ben oui, c'est drôle. Quand lui, il dit on va couper les chenolles des pédophiles, c'est écœurant, t'es un gars d'extrême droite, mais quand on dit on va avorter parce que ça va faire baisser le taux de criminalité, il faut accepter ça. Et là, il y a des gens qui nous écoutent, puis là, ils vont mettre ça sur YouTube, Dominique, puis ils vont dire qu'on est des gens d'extrême droite, qu'on est prouvés, puis tout ça. On ne peut plus discuter d'avortement. Moi, je m'excuse, mais l'avortement. Sur la base du sexe, je trouve ça épouvantable. Je ne comprends pas que les féministes se mettent la tête dans le sable face à ça.